السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est la continuité du cours sur le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, une conférence qui avait été donnée par Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Et donc, nous reprenons à partir de la parole du Cheikh, lorsqu'il dit, rahimahullah, « Wa hakadha al-kutub nu'minu biha kullu dhalika dakhilun fil iman billah dakhilun fil islam » Et également, les livres, nous y croyons, c'est-à-dire les livres révélés, nous y croyons, tout cela entre dans la foi en Allah et entre dans l'islam. Al-kutub allati anzalaha Allahu ala al-rusul. Fa inna Allaha jalla wa ala arsala al-rusul wa anzala alayhim al-kutub. Les livres qu'Allah a fait descendre sur les messagers. Certes, Allah, honoré et exalté soit-il, a envoyé des messagers et il a fait descendre sur eux des livres. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Nous avons certes envoyé nos messagers avec les preuves et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance. فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبيان الحق للناس. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, les a envoyés, les messagers, et il a envoyé avec eux des livres afin d'éclaircir la vérité aux gens. Donc, dans ce premier passage, Shir, il nous explique que parmi donc les bases de la foi et du dogme des gens de la Sunna, le fait de croire aux livres révélés. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres sur ses messagers par miséricorde pour les créatures et pour les guider afin qu'ils obtiennent et qu'ils arrivent au bonheur sur terre et dans l'au-delà. Car certes, l'humanité tout entière est dans le plus grand besoin et dans la plus grande nécessité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre des livres. Pourquoi cela ? Parce que la raison de l'être humain, la raison humaine, est limitée. Et elle ne peut pas percevoir les détails du bien et du mal. Certes, la raison humaine peut déceler et peut percevoir de manière globale le bien et le mal. Mais de manière détaillée, elle est limitée à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres, afin d'expliquer aux gens le bien en détail pour qu'ils le suivent et l'appliquent, et également expliquer aux gens le mal en détail afin qu'ils s'en écartent. Et également, la raison humaine, elle peut être surpassée par les passions et les envies personnelles qui peuvent donc troubler la perception. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des livres qui viennent directement de lui et qui sont sa parole, comme nous avons dit, afin de démontrer le bien pour que l'humanité le fasse et pour leur démontrer le mal pour que l'humanité s'en écarte. Et si les hommes devaient être délaissés à leurs simples raisons, qui sont défaillantes et qui sont diminuées, et bien certes, toute l'humanité s'égarerait et serait dans le trouble et dans la perdition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse et par sa miséricorde, il a fait descendre ses livres sur les prophètes afin que les prophètes nous expliquent tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, que ce soit les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont justes et équitables, ou que ce soit les exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont des exhortations bénéfiques, des conseils bénéfiques pour toute l'humanité, ou que ce soit les ordres et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui garantissent la réussite, le succès et l'amélioration des hommes et des pays. Et donc c'est pour cela que Shir, ici dans cet extrait que nous avons lu, c'est pour cela que Shir ici, il cite le verset de la sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Afin que les gens établissent la justice. C'est-à-dire la justice dans les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et la justice dans les droits des créatures. Car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et les livres qu'Allah a révélés sont venus pour détailler le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont de l'unifier par l'adoration et de lui obéir, et également pour nous détailler les droits des créatures, le droit des parents, le droit des enfants, le droit du conjoint, la femme ou le mari ou la femme, le droit du voisin, le droit des animaux également. Toutes ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a détaillées dans son livre. Et toutes ces choses garantissent à l'être humain le bonheur dans les deux mondes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et à chaque fois que vous viendra de ma part une guidée, alors quiconque suivra ma guidée n'aura aucune crainte et ne sera point affligé. Et dans l'autre verset: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, dans la traduction rapprochée du sens, il dit: puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera point et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, il mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira: de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Donc, à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement le bienfait de croire à sa révélation et de la suivre, qui va nous apporter le bonheur sur terre et dans l'au-delà, et qui nous préservera de l'égarement et du malheur, et qui nous préservera de la peur et de la tristesse. Quant à celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se détourne de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien vous avez vu son châtiment sur terre. Sur terre déjà, il commencera par avoir une vie pleine de gêne. Il n'aura pas la tranquillité de cœur. Et également dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala le délaissera et l'oubliera et il le sanctionnera pour avoir mécru à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, comme il nous dit à la fin de ces versets, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Celui qui s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, qui s'est détourné de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est détourné des ordres d'Allah et qui a accompli les interdits d'Allah pour un plaisir mondain, pour un succès mondain, pour obtenir des biens ou de la noblesse ou de la notoriété, celui-là, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera d'un châtiment plus dur que ceux dont il avait peur sur terre. Il avait peur qu'en suivant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'écartant de ses interdits, il avait peur en croyant en Allah et en ses révélations, il avait peur de vivre dans le malheur et dans la tristesse, alors que c'est là-dedans qu'il y a son bonheur et sa réussite. Il a échangé le châtiment, ou ce qu'il a prétendu être un châtiment sur terre, il l'a échangé contre le châtiment éternel de l'au-delà. Ensuite, Cheikh nous dit, rahimahullah, فَنُؤْمِنُ بِكُتُبِ اللَّهِ جَمِيعًا عَلَى الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ. Donc nous croyons aux livres d'Allah, nous croyons à tous les livres d'Allah, de manière globale et de manière détaillée. نُؤْمِنُ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Nous croyons à tous les livres qu'Allah a fait descendre sur les messagers, que la prière et le salut soient sur eux. وَمِنْهَا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ. Et parmi ces livres qu'Allah a révélés aux messagers, il y a la Torah, l'Évangile et les psaumes. والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. Et également il y a le Coran, qui est le plus grand de ces livres, qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وصحف موسى وإبراهيم وصحف إبراهيم. Et également il y a les feuillets de Moussa et les feuillets d'Ibrahim. نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله. Nous croyons à tous les livres qu'Allah a fait descendre sur les messagers. وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. Et le meilleur de ces livres est celui qui a clos toutes les révélations, après lequel il n'y a pas d'autre livre qu'Allah ait révélé. Le meilleur et le dernier de ces livres est le Coran, le noble Coran. Donc ici, dans ce passage, le Cheikh nous explique que la foi au livre qu'Allah a révélé, elle se divise en deux. On y croit de manière globale et on y croit également de manière détaillée. De manière globale, c'est-à-dire que nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des livres sur des prophètes. Ça, c'est de manière globale. Et de manière détaillée, nous croyons à des livres dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les noms et qu'il a révélé à des prophètes que nous connaissons, parmi lesquels la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, et également l'Évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, et également les psaumes qui ont été révélés à Daoud alayhi salam, et également le Coran. qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est le meilleur de ses livres. Et également les feuillets de Moussa et les feuillets de Ibrahim alayhi salam. Et en ce qui concerne les feuillets de Moussa alayhi salam, certains savants disent que ce qui est voulu par les feuillets de Moussa alayhi salam, c'est la Torah. Et d'autres disent que non, ce sont d'autres feuillets qui ont été donnés à Moussa alayhi salam, autres que la Torah. En plus de la Torah. Taïb. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il nous explique que la foi au livre implique quatre choses. La foi au livre implique quatre choses. La première des choses, c'est de croire qu'ils ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils proviennent réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la première implication de la foi au livre, que ce sont des livres qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, et que ce sont la parole d'Allah. Tous ces livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran, tout cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contient la guidée et la lumière. La deuxième des choses que la foi au livre implique, c'est de croire à ceux dont nous connaissons les noms, comme ceux que Shir a cités, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités les noms dans le Coran. Par exemple, en ce qui concerne la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu » Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. » Et également Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne l'Évangile, il nous dit « وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَّ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٍ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ » Dans la traduction rapprochée, et nous avons envoyé après eux, yani après les prophètes, yani des enfants d'Israël, et nous avons envoyé après eux Isa, fils de Marie, fils de Mariam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Et également, en ce qui concerne les psaumes, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atayna Daoud azabura, et nous avons donné les psaumes à David, à Daoud. Et également dans surat Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la, Allah subhanahu wa ta'ala également dans surat Al-A'la nous dit Inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Yani, ceci se trouve certes dans les feuillets anciens, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Et en ce qui concerne Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Et Inch'Allah ta'ala, lorsque j'aurai fini le cours, et peut-être que nous remettrons ça au prochain cours, nous mettrons ou nous consacrerons une partie du cours prochain sur les spécificités du Coran. Les spécificités du Coran par rapport aux autres livres, les spécificités du Coran par rapport aux autres livres qui ont été révélés avant lui. Donc tous ces livres dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les noms dans le Coran, nous y croyons en particulier et en détail. Quant aux autres livres dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas cité les noms, mais il nous a dit qu'il a descendu des livres sur les prophètes, eh bien nous y croyons de manière globale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des livres sur les prophètes et sur les messagers. La troisième chose qu'implique la foi aux livres, c'est de croire à ce qu'elles contiennent comme information authentique. Ce qui est authentique dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, nous y croyons. Telles que les informations qui sont contenues dans le Coran et les informations qui n'ont pas été modifiées dans les livres précédents. Car certes, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté lui-même garant de le préserver contre toute modification, ajout ou diminution, contrairement aux livres précédents. Les livres qui ont été révélés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés avant le Coran, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile et les psaumes et autres, Allah subhanahu wa ta'ala avait confié aux hommes, Allah subhanahu wa ta'ala avait confié aux hommes de les garder et de les préserver. Mais les hommes, après les prophètes, ont modifié ces livres et ont rajouté des choses dedans et ont enlevé certaines choses qu'il y avait dans ces livres. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur à ceux qui de leur propre main composent le livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ceux qu'ils en profitent. Donc les juifs et les chrétiens ont modifié le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont modifié la Torah et ils ont modifié l'évangile. Et c'est pour cela que ce n'est pas toutes les informations qui se trouvent dans la Torah et dans l'évangile, et tout ce qui est écrit dans la Torah et dans l'évangile, ce n'est pas tout qui est authentique. Et nous ne pouvons pas croire à tout ce qui est dans la Torah et dans l'évangile aujourd'hui, car les hommes ont modifié ces choses-là, ont modifié ces livres-là, contrairement au Coran, dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté lui-même garant de le préserver, lorsqu'il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui le préservons. Et c'est nous qui le préservons. Donc les informations du Coran sont toutes authentiques, car le Coran n'a pas été modifié depuis le premier jour où il a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Tandis que les autres livres, la Torah et l'Évangile et autres, ont été modifiés par les hommes. Et donc, nous croyons aux informations qui sont contenues dans le Coran, et nous croyons aux informations que le Coran a confirmées des livres précédents. Les informations qui sont contenues dans les livres précédents et que le Coran a confirmées, nous y croyons. Et quant aux informations qui sont contenues dans les livres précédents et que le Coran a infirmé, c'est-à-dire que le Coran est venu pour prouver ou pour dire que telle information qui est dans le livre que les juifs et les chrétiens attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala est faux, eh bien cette chose-là, nous n'y croyons pas. Et de là, vous savez que ce qui se trouve dans les livres qui ont précédé le Coran est de trois types. La première des choses, le premier type, ce sont des choses que le Coran a confirmées. Alors ces choses-là, nous y croyons. Le deuxième type, ce sont des choses que le Coran a infirmées. Que le Coran a dit que cette chose-là n'est pas vraie. Ça ne fait pas partie du livre d'Allah. Alors ces choses-là, nous n'y croyons pas. Et le troisième type, ce sont des choses qui sont dans leur livre et nous ne trouvons pas dans le Coran ou dans la Sunna un texte qui vient le confirmer ou qui vient l'infirmer. Eh bien ces choses-là, nous faisons comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ni nous ne les confirmons et ni nous ne les infirmons. On ne dit ni que c'est vrai, ni que c'est faux. Si jamais il y a quelque chose, un juif ou un chrétien vient et te dit, Naam, que Dieu nous a dit dans notre livre telle chose, et que toi, tu envoies en recherchant dans le Coran et dans la Sunna, tu ne trouves rien qui vient confirmer ou qui vient infirmer cette chose-là, et bien toi, tu dis, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne dis pas que c'est vrai et je ne dis pas que c'est faux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Parce que si tu dis que c'est vrai et qu'il s'avère que c'était faux, eh bien tu auras menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu dis que c'est faux alors qu'en réalité c'était vrai, eh bien là tu auras mécru à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras démenti la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, par rapport à ces choses-là, ni vous ne devez dire que c'est vrai, et ni vous ne devez dire que c'est faux. Taïb. La quatrième et dernière chose qu'implique la foi au livre, c'est d'appliquer les règles et les enseignements qu'ils contiennent, tant que ces enseignements et ces règles n'ont pas été abrogés. Et également, nous devons accepter ces règles-là et ces lois, et les agréer. Et nous devons appliquer les règles qui n'ont pas été abrogées, les règles et les lois que contiennent les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils ne sont pas abrogés, et nous devons les accepter et les agréer. L'application avec acceptation et agrément. Appliquer les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos membres, tout en les acceptant dans notre cœur et en étant satisfait de cela. Ça, c'est la quatrième chose qu'implique la foi au livre. Et nous devons les appliquer, même si nous ne percevons pas la sagesse qu'elles contiennent. Yani, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose ou nous interdit une chose, nous devons agir en fonction de cela. Que nous comprenions la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ou interdit cette chose, ou que nous ne comprenions pas. Car comme nous avons dit précédemment, la raison humaine est limitée. Il se peut qu'elle perçoive certaines choses, et qu'elle distingue certaines choses, et qu'elle comprenne certaines choses, de la même façon qu'il est possible qu'elle ne perçoive pas certaines choses, et qu'elle ne comprenne pas certaines choses. Et c'est ce qui fait la différence entre le croyant et le mécréant. C'est que le croyant, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et il suit les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si sa raison ne le comprend pas entièrement. Même si sa raison n'en perçoit pas la sagesse. Et pourquoi cela? Parce que le croyant sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sage dans tout ce qu'il a créé et dans tout ce qu'il a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala est sage et il est savant. Et s'il nous ordonne une chose, c'est qu'il sait qu'il y a un bien pour nous dans cette chose-là. Et s'il nous interdit une chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a un mal pour nous dans cette chose-là. Et le croyant donc, par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il se soumet à Allah le musulman. Car le mot musulman veut dire soumission. Et le mot islam veut dire soumission. Le musulman est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il soumet son corps et sa raison à Allah subhanahu wa ta'ala. Il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'il a foi en Allah. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne légifère des choses et n'ordonne des choses que pour son bien, et ne lui interdit des choses que pour son bien. Et il faut savoir que tous les livres qu'Allah a révélés avant le Coran ont été abrogés par le Coran, comme dans le verset que j'ai cité précédemment, le verset de la sourate Al-Ma'ida, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir sur lui, c'est-à-dire pour juger ceux qui l'a précédé. Donc, ce que le Coran nous a apporté a abrogé ce qui était avant lui. Et donc, à partir de là, il n'est pas permis d'agir et d'appliquer quelque chose, que ce soit une règle ou un jugement ou une loi, parmi les règles et les jugements et les lois des livres précédents, sauf ceux que le Coran a confirmés. Donc les livres précédents, la Torah, l'Évangile, les psaumes, etc., on applique de ces livres-là que ceux que le Coran est venu confirmer. Et également, il n'est pas permis d'appliquer des versets du Coran qui ont été abrogés ou des hadiths qui ont été abrogés. Car, comme vous le savez, le Coran et la sunna, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La révélation d'Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est étalée sur 23 ans. Les versets coraniques descendaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout au long d'une durée de 23 ans. Et également la sunna. Car Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran, il venait également avec la sunna. Donc, tout au long des 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit, progressivement. Et il est arrivé que certains versets sont venus abroger des versets qui les ont précédés. Des choses qui étaient légiférées au début de l'islam ont été abrogées à la fin de l'islam. Et n'étaient plus applicables. Et n'étaient plus à appliquer. Donc, à partir de là, il n'est pas permis d'appliquer des choses qui ont été abrogées, même parmi les versets du Coran. Et c'est pour cela que les ulama ont donné comme condition, c'est pour cela que les savants ont mis comme condition, pour celui qui se consacre à la fatwa, les savants ont émis comme condition à celui qui se consacre à faire des fatwas qu'il ait connaissance de l'abrogeant et l'abrogé, pour ne pas qu'il fasse des fatwas en se basant sur un texte qui a été abrogé. Et je profite de cette occasion, car il m'a été rapporté que le frère Soufiane Abu Ayoub, Hadahullah, qu'Allah le guide, a mis une permanence de questions-réponses et de fatwas après les Jumu'ah. Et ce frère n'est pas habilité à le faire. Ce frère n'est pas habilité à faire des fatwas. Donc, vous ne devez pas lui demander des fatwas, car il n'est pas habilité à le faire. Et également, ce frère est connu pour critiquer les savants, et notamment Cheikh Rabi', Hafizahullah Ta'ala. Ce frère Sofiane, et ceci a été rapporté par plusieurs personnes qu'il critique Cheikh Rabi', et parmi les choses qu'il dit sur Cheikh Rabi', parmi les choses qu'il a dit sur Cheikh Rabi', il l'appelle Cher Kung Fu. Où est donc le respect des savants? Falyattaqillaha Sofiane. Que Sofiane craigne Allah. Car Cheikh Rabi', Hafizahullahu Ta'ala, est respecté par tous les savants. Alors comment ce jeune Sofiane se permet de venir et de dénigrer un parmi les plus grands savants de notre époque? Un savant qui pourrait être le grand-père de Sofiane, voire même l'arrière-grand-père, et qui est respecté par tous les savants qui l'ont connu, les savants qui sont morts et ceux qui sont encore vivants, et ne déteste Cheikh Rabi', et ne déteste les savants salafis qu'une personne de l'innovation, ou quelqu'un qui subit l'influence des gens de l'innovation. Car comme disaient les pieux prédécesseurs, Alamatu ahlil bid'a al-waqi'atu fi ahlil athar. Le signe distinctif des gens de l'innovation, c'est le dénigrement et la critique des gens du suivi, des gens de la sunnah. Alors que dire de celui qui critique et qui dénigre un des plus grands savants de la sunna de notre époque? Il en dénigre d'autres, lui et ceux qui sont avec lui. C'est pour cela que je le dis et je le redis, que cette personne-là, il ne faut pas assister à ses khutbas, et il ne faut pas lui poser de questions, et il ne faut pas lui demander des fatwas, car ni il n'a la science pour faire des fatwas, et ni il n'est sur une voie salafie claire. Si on accepterait de dire que c'est un salafi, au minimum on dit que c'est un salafi qui a des gros problèmes dans son manhaj. Donc il ne faut pas revenir à lui, et il ne faut pas l'écouter, et il ne faut pas l'inviter, qu'Allah le guide. Et également parmi ceux qui se permettent de faire des fatwas, celui qui est connu sous le nom de Rachid Abu Hudhayfa, imam de Brest. Cette personne-là également n'est pas habilitée à faire des fatwas, et également nous disons la même chose, que cette personne-là n'est pas un salafi. Enfin, pour Sofiane Abou Ayoub, je n'ai pas dit que ce n'était pas un salafi. Mais pour lui, Rachid Abou Hudhayfa, je le dis, que cette personne-là n'est pas un salafi. Et lui-même le dit. Lui-même ne se dit pas salafi. Donc nous ne disons pas de lui que c'est un salafi. Et en plus de cela, il n'est pas habilité à faire des fatwas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de conditions pour pouvoir faire des fatwas. Et parmi les conditions, le fait d'être savant de l'abrogeant et l'abrogé. Donc je demande, que ce soit à Sofiane Abou Ayoub ou à Rachid Abou Hudhayfa, est-ce qu'ils ont étudié l'abrogeant et l'abrogé pour se permettre de faire des fatwas? Et surtout dans des questions immenses telles que les questions de divorce et de mariage, et les questions dans des questions de sang. Subhanallah. Revenez aux savants. Quiconque a besoin d'une fatwa sur un cas particulier, qu'il revienne aux savants salafis de confiance. Taïb. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, je vais citer une division que Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, a donné lorsqu'il dit que les gens, en ce qui concerne les livres révélés, en ce qui concerne les livres divins, sont de trois types. Le premier type de personnes, ce sont ceux qui ont mécru à tous les livres. Et eux, ce sont les ennemis de tous les prophètes parmi les mécréants et les associateurs. Le deuxième type, ce sont ceux qui ont cru à tous les livres. Et eux, ce sont les croyants qui ont cru à tous les messagers et à ceux qui étaient descendus sur eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah, « Aman ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » كلن آمن بالله كلن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني كما قال donc je disais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin de la sourate Al-Baqara, sourate la vache, il nous dit le messager a cru en ceux qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. C'est-à-dire, nous croyons à tous ces messagers. Et le troisième type de personnes, comme le cite Cheikh Al-Fawzan, ce sont ceux qui ont cru à certains livres et qui ont mécru à d'autres. Ou, parmi eux, ceux qui ont cru à une partie de leurs livres et qui ont mécru à une partie de leurs propres livres. Et ça, ce sont les juifs et les chrétiens et ceux qui ont suivi leur chemin. Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il dit, il n'y a pas de doute que la foi, il n'y a pas de doute que celui, il dit, il n'y a pas de doute que de croire à certains, à une partie du livre, ou à certains livres, et de mécroire à l'autre partie, il n'y a pas de doute que ceci est une mécréance. C'est une mécréance à l'ensemble des livres, car il est obligatoire et il est indispensable de croire à tous les livres divins qu'Allah a révélés à ses messagers. Et je terminerai juste par les fruits de la foi aux livres, tels que l'a cité Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, et parmi les fruits de la foi au livre, premièrement, de connaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il prend soin de ses créatures de telle sorte qu'il a descendu pour chaque peuple un livre afin de les guider. Donc ceci prouve la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas croire au livre qu'Allah a révélé, ça va te donner comme fruit que quoi? Que tu vas te rendre compte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est occupé de chaque peuple en leur révélant un livre pour les guider. Deuxièmement, parmi les fruits de la foi au livre divin, c'est que ça te montre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a légiféré dans ses livres pour chaque communauté ce qui lui convient. Pour chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré ce qui lui convient. Et le dernier de ses livres, qui est le Coran, il convient à toutes les créatures, à toute époque et tout endroit. Le Coran convient à toutes les créatures, dans toute époque et tout endroit. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc le Coran est applicable et il convient à toutes les époques, à tous les endroits et à tous les peuples. Et troisièmement, parmi les fruits de la foi au livre divin, c'est quoi? C'est que ça t'amène à quoi? À remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être reconnaissant envers lui pour ce bienfait qui est d'avoir révélé des livres dans lesquels il nous guide au droit chemin et il nous montre le chemin du bien afin que nous le suivions pour obtenir le bonheur sur terre et dans l'au-delà, pour enfin finir au paradis. Et il nous montre les chemins du mal afin que nous nous en écartions pour être préservés du malheur sur terre et dans l'au-delà et pour ne pas finir en enfer. Et sur ce, je m'arrête. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.